Les ou envie crier. Puis tout, les bébés ou enlève, mais j'ai ou mes j'ai ou ma terre. Bon Dieu, à force, parce que c'est nous qui voulons. Les ou envie crier. Puis tout, les bébés ou enlève, mais j'ai ou mes j'ai ou ma terre. Bon Dieu, à force, parce que c'est nous. Chaque l'on levé mais on l'est, chaque l'on met genou à terre. Ou à parler sans arrêter, à confiance qu'on va gawer. Les fois qu'on y veut douter parce qu'on pas jamais une réponse après. Mais c'est que ça me rêve le songer, c'est lui qui crée la terre. Tout ce qu'on pour faire c'est crier. Je n'en joue pas qu'à finir. Mais mettre la foi là ou à prier, rete ou à prêter ou après la foi à briller. Ça dit, ou à échouer malgré faire toute affaire ou droite. Mais c'est celle force pour avancer, les mauvais la vie flopé pas. Yeah, boy.